nur de silo hin er bezonnek. C'est l'heure de retrouver hin er bezonnek. Vous êtes bien sur RKB avec Anne et Henri pour Hentar Brezonek. Comme d'habitude, on commence par Gariouar Vué. On est rendu à l'émission 433. Quel mot on voit aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, c'est un mot court, comme on aime bien de temps en temps. C'est passe. Mm-hmm. Passe avec un A long, quoi. C'est pas passe, c'est passe. Alors passe, ça veut dire la toux. D'accord. Donc, alors c'est un très vieux mot, c'est un mot celtique qu'on trouve en cornique, qu'on trouve en gallois aussi, et qu'on trouve en irlandais, mais bien sûr en irlandais c'est cas, hein, C-A-S, parce que, en fait, souvent le P en breton correspond au Q, au son K en irlandais. On l'a déjà expliqué, je ne vais pas me relancer là-dedans. Donc, heure passe, donc voilà un mot court, donc, qui veut dire la toux. Alors, c'est très très fréquemment utilisé, hein. Mais par contre, les expressions pour le dire en breton sont plus imagées qu'en français. On dit « tape donc de grandeur, passe, hein, je suis attrapé avec la toux ». C'est-à-dire, en bretonisme, on dirait ça comme ça, quoi. Hein. On entend souvent ça. Oui, je suis attrapé avec la toux, oui. Voilà. Tape donc de grandeur passe, hein. On dit aussi mise au grandeur passe. Je suis avec la toux, quoi. Voilà. Bon, alors on va trouver des expressions comme orpazir. Orpazir, c'est une toux sèche, hein. Mm-hmm. Bien sûr. Orpaz dru, c'est le contraire, hein, une toux grasse. Orpaz yud, la coqueluche. La maladie très, très grave autrefois, hein. Orpaz crigne, donc qui est une toux chronique. Voilà. Alors le pluriel c'est pas sous, mais je l'ai pratiquement jamais entendu, hein. On dit heure passe, hein, même en français on dit pas trop les toux. Les toux, non, ça se dit pas beaucoup, quoi. Et alors au sens figuré, ça a le sens d'un obstacle. Par exemple, on va dire, il y a une expression manque passe grand temps. Alors, si on traduisait littéralement, ça veut dire « il n'a pas la toux avec lui ». Mais ça veut dire « il n'y va pas de main morte, il met le paquet ». C'est très difficile. C'est assez difficile à traduire. Hein. On disait ça souvent, peut-être un peu moins maintenant. « Manque de repasse, grand temps hein. ». Pour quelqu'un qui fait quelque chose, mais de façon très volontaire, quoi. Et voilà, « manque de repasse, grand temps ». Alors, il y a quelque chose voisin de la toux, c'est l'éternuement, strève, hein, qu'on n'emploie pas souvent sous le nom de mot, mais le verbe est très employé, streial. Hein. Streial, qui veut dire donc éternuer, quoi. Voilà. Donc, on va trouver, par exemple, streied, le participe passé, qui est streied, hein, streiemeuse, hein. Ou ne rend que mes streial, hein. Ou streier en le grand mot, hein. J'éternue avec la fumée, hein. Voilà. Voilà. Et streviaden, c'est un éternuement. Et est-ce qu'en breton, on utilise une expression comme en français, on dit à tes souhaits ou... Non, j'ai jamais entendu de. Non. Pas spécialement. C'est vrai que. Alors. Non, j'ai pas entendu ça souvent. Oui, le verbe, donc, pour récapituler, le verbe passe, donc, qui veut dire tousser, le verbe streial, qui veut dire éternuer. Et strevius, qui veut dire qui fait éternuer. C'est sternutatoire, en français. Voilà. Bon, ben, on a fait un tour des courants d'air cette fois-ci. C'est ça. On passe à la deuxième partie d'émission, Brezonek temps matin. on passe à Brezhoneck Temps Matin, visite du boulodrome de Plara Radio, Chanik, et ouais. C'est André qui lui sert de guide, c'est voilà. Ça André ? Oui, c'est André Gagle, président des boulistes de Poudérien et Zantol, Gréunis. Oui, parce qu'il y a un rassemblement, voilà. La FPI. Voilà. Alors, elle avait parlé de... Il avait parlé, André, de l'école des boules. Donc, on reprend. Ouais. Chanik, scolar boulou. Il y a disque de Réyouan, de Huari Boulou, et velvé disque Troel. Hager mesko, lazo. Il y a mire azé, diouvé germis, de mer harda berdé. Avé genamzer, avé grédivé de zaden de beurre. A gwecha gwechel, avé grédivé ur stage, e pardon dé, et vit disque pose, Pozoar reun, pe dreier blancon, ten o war roul, pe war poc, un tamp bepsort, a plijad ur veil, met deud ur vechpenec de veld. Ya, André, donnerine. Eh ben voilà, ça donne envie d'aller faire un petit tour. Hein. Ouais. Scolar boulou, donc c'est ça qu'elle demande, Chandic, pour avoir des explications. Ouais. Donc l'école des boules. L'école des boules. Ya, diski, a regawang, da roari bolou, vit ve desket trawel. Voilà. Et vel ve desket trawel. Ouais, ouais. Alors... Diski or yowung de roi boulou, hein. Donc, alors là, c'est apprendre, si on traduisait littéralement, c'est apprendre les jeunes, c'est-à-dire éduquer les jeunes, hein, en fait, Diski de yowung, deskin, c'est apprendre, hein. Aussi enseigner dans les deux sens, hein. Il y a un autre mot pour enseigner qui est kellen, mais là, on peut utiliser deskin, hein. Deskin or yowung de roi boulou. Alors, Huari, on l'a déjà dit, hein, souvent, on mange un peu le R de Huari Boulou, hein. Voilà. Deskin Reyong de Huari Boulou, hein. Donc, apprendre aux jeunes à jouer aux boules. Evel Vedisk, Evel Vedisk Trawel. Comme on apprend d'autres choses, hein. C'est-à-dire, par un enseignement, en fait, hein. Alors que, autrefois, bien sûr, on apprenait sur le tas en jouant, quoi. Hager Mesko, Lazo? Ah, et il y a un maître d'école, il y a un professeur, hein. Il y a un Miarazé. Oui, c'est moi, hein. Je fais cela. Diouvé Jarmis, d'ar mer Ardabdé. Voilà. Alors, deux fois par mois, Diouvé Jarmis, deux fois par mois, de mer Ardabdé, le mercredi après-midi. À Vechenamzer, Végrélivé de Zadon de Beuré. Et de temps en temps, Vechenamzer, hein, Vechenamzer, de temps en temps, on fait aussi, hein, forme d'habitude, Végrélivé de Zadon de Beuré le samedi matin. À Gwecha Gwecha, Végrélivé, Eurstage, Padondé, Vidiski, Pose, oui. Pojoaren, Pedrier Blanken, Athéno. Voilà. Alors, une autre façon de dire de temps en temps, hein, qu'on entend assez souvent, Gwecha Gwechel. Hein, dans le pays gallo, ils disent une fois le temps. Hein, voilà. Une fois le temps. Gwecha Gwechel. De temps en temps, Végrédiver stage, on fait aussi un stage, hein, pour une journée, pardon day, sur une journée. Évite des skins. Alors là, il explique un peu ce qu'on apprend, hein. Pose, c'est-à-dire poser, hein. Poser sa boule, c'est-à-dire s'approcher le plus près possible du mest, hein, mest pian, ou le pino aussi, hein, ici on dit or pino, hein, le maître, hein, ou le cochonnet en français, hein, nous on dit or pino, hein. Voilà, diskin pose, warren, alors tout droit, pedreer blancon, ou par la bande, par la planche, hein, hein. Ça c'est tout un art, hein. Alors, tenno, hein, alors c'est tenant, et nous on dit tenno ici, hein, souvent les infinitifs de verbes on les finit en o ici. Mm-hmm. Tenno war roule, donc à roule, hein. Ça veut dire quoi tenno? Alors tirer. Tirer. Tirer, hein, quand on tire la boule, hein. Pewarbok. Pewarbok, hein, c'est-à-dire à poc, hein. Ah ouais. Alors il y a demi-poc aussi, hein. Zaigwen gamb, hein. On dit ça aussi, le saut de Guingamp, quoi. C'est-à-dire, on tombe un mètre ou deux avant. Et on laisse rouler, quoi. Ça, c'est tout un art aussi, hein. Ouais. Enfin, en tant que bepsort, quoi. À plijad urvet. Et il y a du plaisir. Ouais. Mais deux d'urvet, je bénac d'avel. Mais venez une fois quelconque pour voir, une fois ou l'autre, hein, pour voir, de velet. De velet. Il y a André, dont Nerine répond chanter. Oui, elle répond toujours ça. Ah, je sais pas si elle ira partout, ah, mais. Bah. Faut pas déplaire aux gens. Un jour, peut-être, elle ira. Voilà. Ouais. Allez, on passe à Petra Zonevervro. Thank you. troisième partie d'émission, Petra zone vervro eri. Quand je drague zone vervro, et boire avec je dis aux hommes. Krogum me dit un temps vel custum, gande la bourdouar a gevu et war armez. Et ruon vraiment bamis est. Vide la bourdouar, er blaz au bémadoir, bénéfine, plusieurs au bédiol à dour, douroir, ag bonne zermard des bé d'un trévadou vel un ei ag hier, bonne chambre à tamboguinis ba parkeyer, mais me mestra vonzer du roir matri. Ag gueleran maïs ne stress madoir, vidor mare. Ag vouen mads au bégred, ivé, plusieurs au bras un amza, a set uso vocave de bouet vide londet, va pas de pas d'orgon mais on peut se grette voine de vaisseau ya ya ben moi des nain quand vite boite vite de long de pas de gon bon a ma bulle avec voine avec grette de quen voine mode gertin bon dans mon temps moi à dash une politique reste vraiment plus dur vote des bêtes jiwas quand une députée députée de Brovrance hein les une vie de Hat from en Brovrance, gant trise grande vro. Et vite brei, j'y oise et beval tre en trou, val pun mames befel ardze, pu dur votadeg ne zlus ke brei, gant per département, ne velo a begret gant pétain, babla o nan a do ugen, de ze han vedel. Hag chomerei bro nangled, ban o sort de han vro, he blaz na man ebet vel ardze Pays de Loire. And bon, gwellen meus oa noa skrive d'Alan Stivel d'un député et vid l'arte me mestra oa ovez vota andrasé met bon, gwellen rand tout d'un député et kai tout d'un député de ze vrone stro et o chupen evel kis a custum hag ed un maud evel just or vichoise gant a jacobinet hag bon kalze strolad ou neus bid l'ar et o zonge l'ar et oa me mestra on dra triste chom 10 passe la 4 bronan le de babreis met chomera un trou à zoar chom 10 ag un fait peso fentus enfin n'est que gual fentus mais voilà de fait tout d'un député et bon me scrive en bagazeteno et villard des matré peso bigret ag la règne rentre le domiso mais il se manque on près de vos leur voit on de der un storm à storm der mode Manon Juan, chom fait B au gros. Wardachen en économie, bon, stal dolmen, ba gwengan, me zoet de blat, agen stal zo zoa, o stal histoire de gwengan, puis roi becrou et de kaiwar kand lasso, abe derret gand eur formi julienne, ag bon kalze dud ne zlabour et bati dolmen, a diad, diad mord, vige gre gante, ag zézon drandri, me mesra gwened eur stal dis, au vent de blat, on tolva le roi vide Gwengam. Warren Dachenel, guerre de débit de abati bon repos, velard d'ingal, un brison de vigélard bonar et cuyem, Ezra que mes clem, bédé ba bonar et cuyem, j'ai vigélard et bop de Piwan Kanfar, ag pelzo, warak 13 war astern, département de Vanc et Dan, bon, préno, abati, bonar et cuyem. Ag, zézo bégret, bon monde, apprend men vaugret, zioar, calze drou, bon repos, mais, evel juste, gret vigé déjà, calze drou, hein, plus dur, zo, strolatut, mignonne de nabati, ag, neus, laboure calze, vid radzevel, nabati, vidor de ze nabati, or greisen zévé naturel. Bon. Hendel, calze dut zo bet blanc, bah, pardon, zantezan en wenet, brezant e velard, zantezan en wenet, galak velard, Saint-Anne Doré. Hag, zantezan en wenet, vigelard, doit pem leo arnugen, de spibler. Vise au guir, vite puru de la rune, mais ma treize année que guir, vite tout d'un tache, là. Bon, un trouse au bigret, ou un ton de bras, blanc, bah, pardon. Zantezan en winet, plus dur, quand de l'assaut. Ou abéla que zantezan en vel, patron de zevretondet, vendeur pas pidek. Ag, blanc, même mes anges, obéit spenugen mi le dud, bah, pardon. Ag, hindel, l'air elle, zo, pardon, y'a ouvi zantezan en vel, bah, purud, vel, bah, zantezan en radének babulat, med lazi soit bet neptor d'une même strand des musclevet. Moi, ma trésorie, j'ai bet tape fall, une d'une ma vie, j'ai bet, hugen mille d'une babour purut. Bon, comme se rend d'arve, j'ai nom sort des trouer chapeliou. Trouer chapeliou, bah, crise braise, en moi. Zo bet lance de babladau vilde, go bet lance de zé. Gant office en touriste les Kreis Breiz ou bar Ostren, hag skol zon er es Kreis Breiz, zo ive bar Ostren. Hag bon, gret veze bebiou de ze nan, ve gret o tro ur chapelio, ben ur chapel benek de ze vro, pe vejo ban o nilis, gret ve mamez mo dermad, ve gret o valead de Naberdei, tro terra, drevras, Anna han vegret om ur brezegen oa an dra benneket gant on den an part de ze vro, pe on den pe ur strol ad an part de ze vro, oa an da jen benneket, a oa l'er vegret on tam pren gant trouk de ze vro, a oa l'er ze vegret ur zon adek, l'audien tant vegret gant skol zon er ez rostren, pe skol zon er ez kreiz breiz, e red lar ad ne zemus klevet, n'est que demande mes vies restreintes, un peu de vies restreintes au bas. Ag Wallerze ve grain de zonade gantu de ze vicha. De rao vicha de zonade de ze zonérez. Bon ba calz blanc me roise une trame de ba calz blasse ouin. Ba quoi de malouen, ba kerpine plonne et ba gurmande et ba perret ba zanveltaz ba Zangeli, Bazan Trifin, à Roas, zo de Dramen Roas, bah, Log Maria, ag, l'Erhel Roas, d'Au Pedris, au Roas, Rog Fine, Fine, non. Bon, Vejo Gontandard de Space Vela, que d'Oire Rouedat, in Internet, ag, Calzodrau Vela, que de, Brésan de Goire Rouedat, d'Asquare, zo, zo lak ne vezo ar geriad ur braz de tri, deus ar brezhonek, ar geriad ur istorel, zo haulen meur gorf, da la rede ar gorf a zo braz tri, peut dire zo spen hanter kant mil dier, ba zo ar meur gorf. Hag is un dud zo diden et gant ar brezhonek, halo kat, kal ze draou war ar geriad ur zo. Ar oaz vo lak gerio el, tam a tam. Bakalak, tos de zomme, vodigor d'or skol zon erez, ba mis gwen golo. Agaze, bon, vo moyen de dud de zis ki zon gant beup sant bin viou. Hag, skol ze vo laket ba lamme oa ar stal karadek gwejel. Bon, hendel, ba kastel gwen gam zo labourio, hag, prestit vo moyen de dud dont de vale ba hastel. Hag zevo o bra d'un dud, d'un gwen gamm a tud l'erel, montant an tamm tro, ba kastel gwen gamm. Bon, hendel, ba nor yann zo bet kalz a dud, oaz, blamm, meus an zo bet spen triug en mil dud, hag no vez ke oa prezident bro yo erzan, zo deut or an dro, pe dur, blamm oa inor de yo erzan. Bon, c'est tu assez gaftin même grad on tombe trop de ce peso neve bavro n'est que de house was de gomes de ce distro school du roi benvegel vos grad c'est tu la randar qui navo chilo rkb qui norvegel qui norvegel da han ivé trugar et là kenoeri